Une puce dans vos toutouches. Non, alors. Hey, appelle ma bébé. Ça coûtait combien ça? Mais bon. Bah, elle est longue. Nana. Comment ça là? Moi j'aime écouter la musique parce que la dernière fois chez moi, et ben en fait je me déguisais en madame et je faisais la la la la la. Eh ben, il n'arrive pas à franchir l'obstacle. Vas-y, aide-le. Ouais, fais... Allez, viens prendre ton petit déjeuner, sinon... Il me manque son truc de gueule. Mes doudous. Lui, c'est lapin. Et lui, c'est singe. Il s'appelle Gligli et Clo-Clo. Non, ils sont pas moches, ils sont très bons comme la rose. Bah, les roses, elles sont grandes. Ça, c'était moi quand j'étais bébé. Parce que mamie, allait faire niacasser. Niacassé, ça veut dire qu'on niaque les choses sur les oreilles. Tout. Et pourquoi tu dis que tu me dis pas quand hein? Parce que je crois que ton oreille elle te bouche. Ben moi, mon oreille n'est même pas bouchée. Mais ma mère, il y a très longtemps, et ben elle avait son nez. Et dans son nez, elle avait des petits crayons là, qui n'étaient pas très bons. Dans le nez, qui se mangeait pas. Oh, je peux pas le faire, c'est trop dur. Très bien, je suis en verre, mais la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, à l'école, j'ai coupé le doigt de mon amoureuse. Avant ça, elle n'a pas fait attention, car elle voulait pas enlever sa main. Parce qu'on voulait jouer à la papa et à la maman. Et là, je lui ai coupé le doigt. Je n'ai pas fait exprès, mais si. Pas fait attention, je voulais pas la faire mal, mon amoureuse. Et hop, le teint rouge de tous mes potes étaient tous pas quittants. Moi, sauf une copine à moi, une autre, je suis là, elle le même est bien. Je ne crois pas que je suis chargée, moi, je suis contente, tant que je suis 21. Je suis 21. Mais non, j'ai une amoureuse, Rayane. Il a aussi Maï, que je connais. Mais celle-là, elle est méchante. Parce que la dernière fois avec sa petite, je m'ai fait disputer par maîtresse de Bélie. Et la petite sœur de Maï, elle m'a fait en pleurant. Pas très sympa, hein. Ça fait mal. De la confiture, la fraise et du beurre italien. Oui, je sais que lire les trois brillants. C'est trop fastoche à lire. Il était une fois trois vilains requins avec un chapeau noir, une cape noire. Le un avait un souffert. Le deux avait un fusil. Et le troisième avait une hache rouge. Ben, en fait, il y avait des hommes dans une charrette. Et après, les trois brigands, ils attaquèrent la charrette. Et le brigand, avec son fusil, ben, il attaquait les villageois, les autres. Il prenait un coffre plein d'or. Et il l'emmenait chez eux, faire une grande montagne. Il a même ri quand je mange trop, ça me fait aussi dormir. Quand je mange un riz mexicain, eh ben, ça me fait aussi dormir quand je mange trop. J'ai pas envie de parler, hein, là, je bois mon chocolat. Bois ton chocolat.